Quelques minutes plus tard, le car s'arrête. Tout le monde descend pour admirer le panorama, Daniel en premier. « Oh, cool! Qu'est-ce que c'est ces rochers au milieu de la ville ?»« Ce sont des volcans, » explique Luc avec fierté. « Des volcans au milieu de la ville ?» Daniel interroge le moniteur du regard. « Oui, Luc a raison. Strictement parlant, ce n'est pas un volcan, mais seulement des parties où, comme je vous l'ai déjà raconté ce matin, l'intérieur d'un volcan. » « Mais je pensais que dans un volcan, il y avait toujours du magma chaud qui bouillonne et fume, » fait remarquer Daniel. « Bon, vous devez imaginer les choses ainsi. Il y a bien des siècles, toute la France était couverte d'eau. Il y a environ 600 millions d'années, un grand bouleversement a fait surgir de hautes montagnes. Le massif central est né. Mais c'est le travail de l'érosion, ça veut dire les pluies, les eaux courantes et le gel, qui ont arrondi les monts et finalement, la haute montagne est devenue un plateau qui a été de nouveau englouti par la mer. « Et la terre avait complètement disparu ?» demande Daniel tout étonné. « Oui, mais comme vous le voyez, elle n'est pas restée sous l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a une idée ?»« Un autre grand bouleversement a eu lieu, » répond Sébastien. « C'est ça. » Il y a environ 60 millions d'années, ce sont les Alpes et les Pyrénées qui ont surgi. Le grand plateau s'est levé et s'est cassé. Le long des fissures, le magma a jailli et les éruptions ont créé d'énormes volcans, dont les plus hauts avaient une hauteur de près de 3000 mètres. Oh, c'est comme l'Etna en Sicile, s'écrie Sébastien. Je l'ai déjà vu. C'est impressionnant. Et moi, j'ai lu dans mon livre de géographie qu'en Auvergne aussi. Il y avait autrefois un Etna, l'Etna Auvergnat. Le volcan du Cantal, ajoute Luc tout fièrement. Et où ils sont les volcans aujourd'hui? Demande Daniel. Bien sûr, l'érosion a repris son travail, explique Sébastien. Et ce qui reste, ce sont les parties les plus résistantes. Vous voyez la petite chapelle, là? Elle surmonte l'intérieur d'un volcan. Et là, c'est la cheminée de lave, continue Alex. « Oh, elle est comme la pointe de cette aiguille de pierre !» dit Julien fasciné. « Et là-bas, sur l'autre rocher, il y a même une statue. C'est aussi l'intérieur d'un volcan ?» demande Daniel avec curiosité. « Non, c'est sans doute une fraction du cône du rocher avec la chapelle, » dit Alex. « C'était donc un cratère énorme !» s'exclame Luc étonné. « On remonte dans le car et on descend en ville, » reprend Alex.